Eh bien, merci à tous d'être venus pour écouter Jean-Paul Demoule, qui est donc professeur émérite d'archéologie à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dont vous avez peut-être, si vous vous intéressez à l'archéologie, sans doute même eu l'occasion de lire les livres, puisqu'il en a publié de nombreux, y compris des manuels qui passent, je dirais, entre les mains de tout apprenti archéologue. Et qui est spécialiste donc de la préhistoire, du néolithique, et qui s'est intéressé aussi, parmi les nombreuses cordes à son arc, à Game of Thrones, dont il va nous parler aujourd'hui. D'autres le connaissent peut-être aussi parce qu'il a présidé l'INRAP, hein, donc l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, lors de sa mise en place entre 2002 et 2008, et donc c'est un grand plaisir. Personnellement aussi, moi qui suis archéologue de formation, que de vous recevoir et de voir ce que bien peut donner un décryptage, un regard sur Game of Thrones posé par les yeux d'un archéologue. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je précise effectivement que je parle de Game of Thrones pour moi en tant qu'objet, sinon archéologique, mais objet historique. Je ne suis pas un fan premier degré de Game of Thrones. Ça m'a intéressé parce que c'était un phénomène de société indéniable, hein, des dizaines de millions de notamment télévisuels. Je me suis plus intéressé à la série qu'au roman de George Martin, parce que même si lui-même a eu beaucoup de succès, c'est quand même Game of Thrones, c'est quand même la série télévisée qu'il a lancée. Et par ailleurs, effectivement, j'ai fait ce travail à la demande de Jean-Sébastien Steyer, que vous entendrez cet après-midi, qui, lui, est le paléontologue de service, si j'ose dire, et qui a donc coordonné cet ouvrage, Le Trône de Fer et les sciences, où justement l'accent est plus mis sur les romans que sur la série, et qui donc a invité un certain nombre de spécialistes, donc un linguiste lui-même comme paléontologue, un spécialiste des bateaux, un climatologue, etc., puisque winter is coming, comme vous le savez. Et donc voilà le contexte dans lequel j'ai travaillé. Juste avant, tout le monde a vu. Qui n'a jamais regardé Game of Thrones? Non, tout le monde. Qui a vu les 73 ou quelques épisodes? Les a tous vus? Magnifique. Et qui a lu les 6000 pages de George Martin? Félicitations. Donc, c'est juste pour savoir que je n'ai pas à vous faire l'injure de vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc ça m'intéressait comme objet, d'un point de vue historien, à la fois comme objet social, et puis pour voir effectivement quelles étaient les sources historiques et archéologiques sur lesquelles je vais revenir. Je ne vais pas m'apesantir sur l'inspiration directe de Martin, puisqu'il l'a dit, c'est la guerre des deux roses, c'est les rois maudits de Maurice Druon. J'en parlerai simplement brièvement. Cette histoire du feuilleton qui nous paraît évident, puisque on a dit c'est la plus magnifique, la plus grande série de tous les temps. Alors les séries, c'est pas quelque chose de très ancien. Bon, on peut revenir à l'Iliade et l'Odyssée, il y a une série de chants avec des épisodes, mais en principe le premier roman feuilleton qu'on connaisse, il date que de 1836, journaliste Émile de Girardin, qui possédait un des grands journaux de l'époque qui s'appelle La Presse, qui publie en feuilleton une série qui s'appelle La Comtesse de Salisbury, où il y a un méchant roi d'Angleterre qui drogue et qui viole la comtesse en ayant éloigné le comte auparavant. Donc c'est amusant parce qu'on est déjà un peu dans Game of Thrones. Mais le genre de la série est quelque chose de plutôt un peu dévalorisé à l'époque, au tel point que peu de temps après, on va même mettre une taxe sur les journaux qui publient des feuilletons, parce qu'on trouve que c'est un peu dévalorisant par rapport à la grande littérature. Néanmoins, ça va avoir un succès indéniable hein, pendant 19e, 20e siècle. Ça va être amélioré, si j'ose dire, par le roman photo à partir des années 50. Le magazine Nous Deux a tiré jusqu'à 2,5 millions d'exemplaires hein, par semaine. Aux États-Unis, à partir des années 30, il y a ce qu'on appelle les pulp, du nom du papier pas très cher, qui va développer aussi ce genre. Et puis, on va déboucher après la dernière guerre sur toute une série de séries, si j'ose dire, avec néanmoins deux modes. Soit à chaque fois un épisode qui est fermé sur lui-même, comme Columbo, par exemple, chapeau melon, botte de cuir, etc. Et ceux qui se suivent, comme justement Game of Thrones, ou comme dans les 20 dernières années, toutes les grandes séries, Mad Men, The Americans, etc., etc., qui sont quand même en grande partie anglo-saxonnes et qui sont plutôt partie du monde anglo-saxon et petit à petit, dans les 20 dernières années, ont envahi aussi le domaine francophone. Et certaines étant, comme vous savez, internationales, comme l'incontournable Thérapie, qui est venue à l'origine, qui est une série israélienne, mais qui a été adoptée au code culturel de chaque pays. J'ai vu aussi, il y a quelques mois, une très bonne série turque, Bir quelque chose. Il y a une première saison, il doit y avoir une deuxième saison. Donc c'est devenu un genre, effectivement, et votre présence le prouve, un genre extrêmement noble maintenant et qui marche effectivement très bien. Alors si Game of Thrones a eu ce succès, c'est qu'effectivement ça se place dans ce monde culturel de la série qui s'est vraiment imposé comme produit de consommation culturelle, mais c'est aussi parce que c'est très bien fait. C'est très bien fait parce que il y a les moyens. Hein, chaque épisode coûtait 5 millions de dollars à l'origine, et les derniers sont montés, si je me souviens bien, jusqu'à 15 millions de dollars l'épisode. Donc ça permet d'avoir effectivement des moyens de qualité, d'engager des acteurs de qualité. Et par ailleurs, effectivement, Martin lui-même est un très bon romancier. Et puis après, il a été, quand les romans sont devenus séries, comme vous le savez, avec ses deux camarades qu'on appelle des showrunners en français, ont eu une véritable compétence pour développer les choses, même si, comme les plus fans d'entre vous le savez, il y a eu de très violentes polémiques à partir du moment où ils ont continué au-delà des romans, et notamment pour la fin que vous connaissez en principe tous, enfin la fin provisoire évidemment, puisque c'est une telle source de bénéfices qu'il y aura forcément, comme pour Star Wars, il y aura forcément des suites d'une façon ou d'une autre, quoique on l'ait dit au tout début. Alors on a comparé aussi à Tolkien, puisqu'on l'appelle même parfois Martin le Tolkien américain. C'est assez différent, comme vous le savez, si vous avez pu comparer, sur au moins deux points. D'une part, il n'y a pas tellement de sexe dans chez Tolkien. Hein. Il y en avait peut-être à l'université d'Oxford où enseignait le professeur Tolkien, mais c'est peu présent, alors que c'était un des arguments majeurs et un des raisons du grand succès de Game of Thrones. Et deuxièmement, c'est encore assez classique chez Tolkien, il y a les gentils et les méchants. Et à la fin, à la surprise générale, c'est les gentils qui gagnent. Alors que dans le cas de Game of Thrones, on a quand même du mal, même s'il y en a qui sont plus sympathiques que d'autres, et je ne vous les dévoilerai pas, mais on le sait notamment à la fin, on a quand même beaucoup de mal à savoir, puisque, par exemple, Daenerys, qui est censée être une gentille héroïne plutôt, et qui en plus a été dépossédée du trône paternel, eh bien à la fin, elle n'est quand même pas très sympathique, et à la fin même, le trône de fer lui-même, indirectement à cause d'elle, est liquéfié. Bon, voilà pour la comparaison avec Tolkien. Alors, pour un point de vue plus archéologique, je vais reprendre le fil du monde de Martin et de la série telle qu'elle est pour voir qu'est-ce qui l'en est par rapport à la réalité archéologique, préhistorique, puisque ça commence dans la préhistoire, sachant que Martin n'a jamais prétendu reproduire, bien au contraire, la reproduire ce qu'on sait de la préhistoire et l'histoire du monde, puisque justement, il invente un nouveau monde. Alors, ce nouveau monde, je vous le rappelle, il y a un continent principal, Westeros, qui est à l'ouest, comme son nom l'indique, qui ressemble à peu près à l'Angleterre, avec un grand mur en haut, qui ressemble à un des deux murs que les Romains avaient construit contre les méchants barbares, le mur d'Adrien et le mur d'Antonin. À l'est, il y a l'Eurasie, en gros, qui s'appelle Essos. Et puis au sud, il y a quelque chose qui ressemble à l'Afrique, peuplée de... Enfin, pas très sympathique, qui ne joue pas un grand rôle, qui s'appelle Sotorios. Et puis il y a peut-être quelque chose très loin à l'ouest, parce qu'à la fin, une des héroïnes s'embarque vers l'ouest. Et puis on évoque très vaguement quelque chose tout au sud-est, qui pourrait évoquer l'Australie. Bon, alors par rapport à ce monde, eh bien... l'essentiel va être, enfin, il y a d'abord le récit des civilisations qui se succèdent, mais l'essentiel, comme l'indique le titre, c'est la lutte de pouvoir entre les différentes familles qui peuplent Westeros. Et puis la gestion du mur lui-même, qui est censé protéger justement ce continent, enfin ce petit continent où il y a ces luttes de pouvoir. Et le monde de Martin commence assez tard, puisque les premiers, c'est seulement à partir de 8-10 000 ans qu'on commence à parler de ce qu'il y a, et qu'on va parler un peu plus tard des premiers hommes dont la civilisation ressemble à peu près à celle de ce qu'on appelle l'âge du bronze. Mais avant, il y a un âge de l'aurore. Et alors, je ne sais pas si Martin a regardé l'histoire des sciences, mais au XIXe siècle, on parlait effectivement d'un éolithique. Éos, c'est l'aurore en grec, et lithos, c'est la pierre, parce qu'on trouvait de temps en temps des pierres éclatées, mais qui étaient tellement mal fichues qu'on se disait que c'était vraiment les premiers hommes qui ne savaient pas encore bien travailler, que c'était avant le paléolithique, l'âge de la pierre ancienne, qui était censé commencer après. Ensuite, on s'est aperçu que ces objets du éolithique, en fait, c'était des éclats naturels provoqués par le gel, l'érosion, etc. Et c'était pas des phénomènes naturels. Et c'est des erreurs qu'on continue de temps en temps à commettre, parce que c'est pas toujours simple de pouvoir identifier d'être certain que la forme d'un objet, surtout dans les tout premiers temps, des outils humains, soit vraiment taillé par l'homme. Donc il y a cet âge des débuts, et qui reste relativement mythique, parce qu'il y a des géants, des enfants de la forêt, etc., où on n'est pas très loin de chez Tolkien, avec des elfes, des hobbits, etc. Et puis il y a l'arrivée donc des premiers hommes, et c'est une civilisation qui est déjà relativement constituée par rapport au récit de par rapport aux connaissances actuelles de la préhistoire, puisque ces objets, puisqu'ils ont déjà le bronze, ils ont déjà des épées en bronze, ils enterrent des morts sous des tumulus. C'est notamment explicite dans les romans. Ils ont cheval, ils ont la roue, etc. Et ils viennent du continent Essos, ils viennent pas d'Afrique. Alors dans la réalité, les premières formes humaines qui arrivent en Angleterre, c'est Homo erectus, il y a au minimum 700 000 ans, après les sapiens qui arrivent aux alentours de 40 000 ans. Donc on est dans une profondeur de temps qui est volontairement sans doute beaucoup plus restreinte. Et donc on a cette première civilisation, et elle va être remplacée par des nouveaux venus qui, eux, vont le faire, des Andals, qui ressemblent beaucoup aux Celtes, globalement, ou du moins la représentation qu'on peut avoir des Celtes, et qui sont, je résume, hein, parce que évidemment 90 heures de série c'est beaucoup plus complexe, mais qui sont se sont plus ou moins affrontés avec un grand empire, Valyria, qui ressemble beaucoup à l'empire romain, et qui d'ailleurs a été plus ou moins anéanti par des éruptions volcaniques qui peuvent évoquer Pompéi. Une des différences notables quand même avec l'Empire romain, c'est que les grandes familles ont des dragons, ce qui n'est pas le cas des grandes familles patriciennes romaines. Et ce qui pose aussi le problème que j'évoquerai plus tard de la réalité historique, effectivement. C'est après qu'on va voir donc se développer petit à petit. Donc on sort de cette civilisation, disons, de l'âge du fer, assez proche des Celtes. Et effectivement, si on prend l'histoire de l'Angleterre, elle est régulièrement peuplée, puisque c'est tout au bout. C'est là où on ne peut pas aller plus loin jusqu'à Christophe Colomb, si on met les Vikings, dont il a déjà été question ici auparavant, entre parenthèses. Le peuplement de l'Angleterre, c'est d'abord l'arrivée des Homo erectus, comme je disais, puis des Homo sapiens il y a peut-être 30 000 ans. Et puis après des populations néolithiques, il y a à peu près vers moins 4 000, à peu près, avant notre ère. Puis des populations qui viennent des steppes en partie entre 3000 et 2000 avant notre ère. Et puis après, il y a les Romains qui s'invitent. Et puis après, il y a les populations de type germanique, les Angles et les Saxons qui débarquent. Et puis après, il y a les Vikings qui occupent une grande partie de l'Angleterre. Et puis ensuite, les Normands, qui sont des ex-Vikings venus avec Guillaume le Conquérant, qui arrivent à leur tour. Et puis après, ben, vous allez avoir la révolution industrielle et toutes les populations qui viennent des colonies de l'Empire britannique. Donc l'histoire de l'Angleterre, telle qu'on la connaît, c'est effectivement une série de migrations plutôt que d'invasions très régulières et plus ou moins bien connues en coordonnant l'histoire et l'archéologie. Donc c'est là qu'on va déboucher dans l'essentiel de ce qui se passe dans Game of Thrones, puisque ça, c'est les récits antérieurs, c'est ce qui explique ce qui s'est passé avant. Avec un des intérêts du roman, c'est qu'on n'est pas toujours sûr. Il y a des débats entre les spécialistes, les maîtres, en ce que les anciens racontent, etc. On n'est pas toujours certain de la réalité de ce qui s'est passé autrefois. Mais donc, la série elle-même, le présent de la série, on est donc en plein Moyen-Âge. Donc là, on en reparlera, je crois, il y a une autre table ronde cet après-midi à 17h. Mais il y a eu de nombreuses études sur, d'une part, sur le rapport au Moyen-Âge, excellent livre de Florian Besson et Justine Breton, qui était là hier et qui est une des meilleures spécialistes justement du rapport entre Game of Thrones et le médiéval et le Moyen-Âge, et qui montre qu'il y a, quatre choses qui se mélange, s'additionne dans le Moyen-Âge de Game of Thrones. Il y a les connaissances historiques sur cette société. Il y a ce qu'ils appellent eux-mêmes le médiévalisme, c'est-à-dire le fait que la représentation populaire du Moyen-Âge, avec toutes ses déformations et toute l'ambiguïté, parce qu'à la fois on va dire on n'est plus au Moyen-Âge ou c'est un comportement moyenâgeux, mais en même temps c'est l'époque la plus riche en représentation, les costumes de princesses, d'innombrables films, les dragons, etc., etc. Donc tout ça, c'est le médiévalisme qui se mélange. Et c'est aussi une représentation relativement datée du Moyen-Âge. Et puis il y a également ce qui concerne notre époque, en fait, en réalité, puisque l'histoire de l'hiver qui va venir, qui ne semble pas nous guetter néanmoins globalement par rapport au réchauffement climatique, c'est en tout cas des angoisses écologiques qui sont plus actuelles que celles du Moyen-Âge, puisque d'ailleurs, l'Europe a connu ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, mais qui commence après le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, justement, c'était une période qui, sur le plan climatique, était pas mal, notamment ce qui a fait la chance de Charlemagne, c'était que il est tombé pile dans une très très bonne période climatique, alors que ça va se dégrader à partir du 15e, 16e siècle. Louis XIV en pâtira avec des famines, effectivement aggravées par les guerres. Et puis ensuite, jusqu'à fin 18e, début 19e, c'est sans doute une des causes, évidemment pas la seule, de la révolution. Donc c'est ces angoisses climatiques, et par ailleurs effectivement le fait de voir une société constamment violente, alors que la société médiévale n'était pas si violente que ça. On dit Moyen-Âge comme si c'était une période intermédiaire, une espèce d'épisode entre l'Antiquité et après il y a la Renaissance, et si on renaît, c'est qu'on était mort, hein. Donc, et on va parler même d'art gothique à partir de la Renaissance et après, et de manière sympathique, mais un art des Goths, c'est-à-dire des barbares. Donc il y a une espèce de vision extrêmement négative, globalement, qu'on va avoir du Moyen-Âge, alors que la Renaissance a été bien pire, parce que c'était avec les guerres de religion, était particulièrement horrible. Louis XIV a passé son temps à ravager l'Europe, sans parler de Napoléon. Donc c'est une vision construite a posteriori du Moyen-Âge, et qui correspond pas beaucoup à la réalité historique telle qu'on peut effectivement la connaître actuellement. Ensuite, le Moyen-Âge, c'était pas uniquement une société hyper hiérarchisée, violente et autoritaire, parce que ça a été au contraire parmi les premières expériences démocratiques après la fin de l'Antiquité. C'est tout le mouvement qu'on appelle communal, des communes, où les bourgeois des villes se révoltent justement contre les seigneurs, soit laïcs, soit ecclésiastiques, et imposent des chartes, imposent des libertés dans toutes les grandes villes. villes d'Europe, d'Europe occidentale et en partie centrale. Donc c'est exactement l'inverse d'un point de vue du point de vue de l'étude des mentalités, l'inverse de la représentation qu'on peut en avoir. Donc cette vision-là, effectivement, du Moyen-Âge, si la référence est le Moyen-Âge, c'est effectivement une référence datée. Alors là, vous pouvez me dire, mais il fait ce qu'il veut, Martin, et les showrunners de la série font effectivement ce qu'ils veulent. Donc il faut le dire, mais moi, de mon point de vue, tout ce que je peux dire, et mes collègues médiévistes l'ont dit avant moi, c'est qu'en tout cas, il faut à ce moment-là se considérer que c'est une série imaginaire extrêmement bien faite, mais ça n'a aucun rapport avec la réalité historique du Moyen-Âge telle qu'on la connaît. On ne doit pas considérer que c'est une sorte de série historique. Ce n'est pas une série historique. On en pense ce qu'on en veut, mais c'est différent, c'est autre chose. Et c'est ça le rapport qu'on doit avoir avec. Alors ça c'est ce qui se passe donc sur Westeros. Et puis à côté donc il y a en gros l'Eurasie, hein, Essos. Donc il y a notamment j'ai parlé de quelque chose qui ressemble à l'Empire romain. Il y a des choses qui ressemblent aux cités italiennes du Moyen-Âge. Je suis juste un archéologue qui regarde un objet d'étude, qui dit c'est intéressant. L'intérêt d'ailleurs, même si dans la salle, les âges, tous les âges à peu près sont représentés, c'est quand même en gros entre 18 et 35 ans quand même, la majorité de ceux qui l'ont regardé à peu près, à mon avis. Hein. Mais c'est statistique, hein. c'est une courbe de... Donc il y a forcément de tout, mais il y a un centre. Voilà. Donc comme je fais partie plutôt de... etc. Et je regarde pas beaucoup la télé, je suis pas un grand fan de séries, sauf occasionnellement et sauf d'un point de vue d'historien, d'ethnographe. Donc il faut pas m'en vouloir, c'est l'exercice qu'on m'a demandé par rapport à mon champ de compétences que j'essayais de vous délivrer brièvement. Et je vous conseille cet excellent livre collectif où il n'y a pas que moi, justement, on est 7 ou 8. On essaie de regarder tous les points de vue du point de vue de l'observation scientifique. Voilà, donc s'il y en a qui ont des objections ou des questions ou quoi que ce soit, on a encore 20 minutes. Le titre du livre, Game of Thrones vu par les sciences, je crois. Et vous le trouvez hein, à la librairie juste en face, si vous le souhaitez. Alors j'imagine qu'il va y avoir des questions. Bonjour, merci pour cette intervention. J'aurais une question sur justement cette vision de différents peuples qui oui. vont venir un petit peu comme cet imaginaire de l'invasion oui. de l'île d'Angleterre. Oui. De quand elle date à peu près cette... Parce que j'imagine qu'aujourd'hui on est un peu revenu sur cette vision d'invasion par vagues successives de différentes populations qui remplacent la nouvelle. En fait, de quand est-ce qu'elle est héritée du 19e siècle ou d'avant ou d'autres Non, d'avant. Là-dessus, je vous conseille mon excellent et dernier livre dont je parlerai demain, dimanche, qui s'appelle Homo Migrans, de la sortie d'Afrique au grand confinement, qui est une histoire des migrations des origines à nos jours, en essayant de montrer quelles étaient les différences. Effectivement, il y en a, mais aussi les constantes. Il y a des constantes. Bon, c'est lié évidemment à la démographie, les constantes des guerres. Et il y a des constantes de l'étranger comme bouc émissaire. Ça permet de resserrer les liens de la communauté. Il y a une constante du métissage. On est tous métissés et culturellement aussi, et ne serait-ce que ce qu'on mange. Mais en même temps, on arrive à chaque fois, c'est ce qui rend optimiste, à faire quand même des sociétés. Quoi. Régulièrement, les sociétés s'effondrent, mais elles font quand même société. Alors cette vision-là, au moins en Europe, elle vient de la fin du Moyen-Âge, quoi, de la Renaissance, où on a noirci le Moyen-Âge, et en particulier, on a parlé des invasions barbares. Or, les historiens comme les archéologues montrent que les invasions barbares, qui sont mises en avant aussi hein, par les courants, actuellement des courants d'extrême droite, etc., on dit l'Empire romain, il était prospère, sympa, tout le monde était content, et les barbares sont arrivés, ont tout détruit. En fait, l'Empire romain, c'était quand même pas des bisounours. Hein, ils ont conquis un énorme territoire en tuant les gens. La guerre des Gaules par ce brave Jules César, c'est, d'après toutes les estimations qu'on peut faire, c'est 500 000 morts, hein, et à peu près autant d'esclaves. Hein. Et même chose un peu partout. Et puis une société esclavagiste, justement, assez violente. Même la République romaine, c'était une oligarchie, c'était pas une république. Et en fait, les barbares, d'une part, tous les barbares dont on parle, ils étaient déjà chrétiens, hein, sauf les Francs, justement, mais les autres, les Goths, Ostrogoths et autres Goths, ils sont christianisés, ils sont chrétiens. Ils rentrent progressivement dans l'Empire. Pas pour détruire, parce qu'ils seraient animés par les forces du mal, mais simplement parce qu'ils trouvent que cet empire est sympa. Donc souvent c'est des traités, souvent ils sont alliés des Romains, des fois ils se battent entre eux, mais c'est une constante. Par exemple, quand Charlemagne va attaquer en Espagne plus tard, descend en Espagne et qu'il y aura l'épisode de Roncevaux, Charlemagne il vient pas pour détruire les Sarrasins, il est allié à un des princes locaux arabo-musulmans qui est en guerre contre un autre prince. Donc Charlemagne rentre pour jouer dans ce. Mais en tant qu'allié. Donc cette vision très négative qu'on a eue des barbares, où Attila, par exemple, il est parfaitement romanisé et il est demandé en mariage par la sœur de l'empereur romain Gallia, Placida. Donc ils sont. Et archéologiquement, on est tout à fait incapable de retrouver tel ou tel groupe de barbares qu'on nous décrit. Par exemple, on a retrouvé au XVIIe siècle la tombe de Childéric en Belgique, à Tournai, qui était le père de Clovis. Et bien, il y a à la fois des objets barbares, entre guillemets, et des objets parfaitement romanisés. Il a une bague en or où il y a écrit au génitif, pour ceux qui ont fait du latin, Childerici Regis, du roi Childéric, etc., etc. Donc, c'est une société mixte. De toute façon, l'Empire romain d'Orient, il va durer 1000 ans de plus là, avec Byzance. Et c'est une société mixte et qui, progressivement, va évoluer vers autre chose. Donc, cette idée des invasions, effectivement, et des barbares, elle naît à ce moment-là, justement, quand on va parler de renaissance, qu'on découvre redécouvre l'Antiquité classique. Heureusement, quelques moines un peu obsessionnels avaient recopié les textes, surtout les textes grecs et latins. Les manuscrits datent du Moyen-Âge, hein, on a très peu de textes d'époque. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va effectivement barbariser, et puis ça va être constamment réutilisé, mais de manière différente. Par exemple, dans le romantisme allemand, au contraire, on va exalter les barbares, puisque c'est des barbares, si j'ose dire. Donc ils vont dire, oui, l'Empire romain était décadent, en bout de course, et il a été régénéré par le sang des barbares, donc avec une vision opposée. D'ailleurs, c'est chez nous qu'on disait les invasions barbares, chez eux, les Allemands, ou en Europe centrale, on dit la période des grandes migrations. Völker Wanderung Zeit. Voilà, donc c'est une construction historique et qui va ressortir à chaque fois, comme c'est le passé qui est utilisé par le présent, qui va ressortir à chaque fois par rapport aux préoccupations du moment. D'autres questions ? Bonjour, merci pour votre intervention. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que un ouvrage, on va dire télévisuel, mais comme Game of Thrones, c'est pas dans une certaine mesure le succès de l'archéologie, un relatif succès de l'archéologie, à entrer dans les mœurs, parce que les représentations des civilisations reposent sur beaucoup de clichés, mais qui sont en partie vrais. c'est-à-dire les tumulus, les kourganes pour les civilisations de l'âge du bronze. C'est pas tout à fait exact, mais c'est pas entièrement faux. Donc est-ce qu'il n'y a pas une forme de réussite en fait de l'archéologie finalement à quand même infuser ces clichés qui sont répandus par ailleurs? Oui, moi en tant qu'archéologue et historien, je me réjouis que effectivement quelque chose qui est une série qui est du succès soit une série historique, alors qui historique entre guillemets, qui va effectivement être fausse, qui va véhiculer des clichés, mais qui, comme vous le dites très bien, en même temps, propose une vision historique du passé, parce que trop souvent, on a l'impression justement que ce qui nous arrive, c'est du jamais vu. Je parlais des migrations à l'instant, et on n'a pas du tout de recul historique. Et d'ailleurs, en France, on a détruit tous les sites archéologiques pendant les Trente Glorieuses, parce que ce qui était important, c'était de reconstruire la France. Donc, il n'y avait plus aucune. Le passé intéressait plus du tout. C'est seulement à partir des années 80 qu'il commence effectivement à y avoir des angoisses, les maladies nouvelles qu'on croyait éradiquées, comme la vache folle, le sida, etc., les angoisses climatiques, les problèmes d'environnement, l'envahissement par les déchets, la pollution, qu'on se met à se dire, mais au fait, comment on en est arrivé là? Donc maintenant, effectivement, je pense que c'est pas un hasard si la série qui a eu le plus grand succès au monde est une série historique, effectivement. Alors, inexacte sur des tas de plans, mais qui en tout cas pose la question de qu'est-ce qui est arrivé et de la profondeur historique. Oui, vous avez tout à fait raison. De ce point de vue-là, je m'en réjouis parce que, après tout, une série qui serait strictement. Enfin, des documentaires historiques, ça peut être très ennuyeux, alors que Game of Thrones, normalement, on ne s'ennuie pas. Eh bien, il nous reste à vous remercier, monsieur Demoule.